radio. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, mais c'est con, on va s'en occuper. Oh, oh Malouda. Ah, ça fait plaisir de voir surtout le remplacement de Gilbert hein, par Jérôme qui est là. Ça fait bizarre de voir un mec avec une voix de jeune et une tête de jeune, alors qu'il y a un an d'écart entre les deux. C'est vrai, on n'est plus habitué. Salut les copains. C'est vrai que l'autre c'était un peu c'est le meupé de show remplacé par un animateur, donc ça fait toujours un peu bizarre. Tu sais qu'il y a plus d'un an d'écart entre Gilbert et moi. C'est pas vrai. Si. Il y a quoi, un an et demi? Un peu plus quand même. C'est pas vrai. Putain, t'es vachement jeune. Ouais, c'est ça. C'est un petit chamois lui. Hein? C'est un petit chamois. Oh, il est mignon, arrête. Tu sais qu'il m'excite un peu. Tu vas te calmer. Je dis ça pour nos auditrices, puisqu'elles sont deux et qu'elles nous écoutent. Forcément. Les deux, ça lui suffit. En région PACA, parce que franchement. Non, c'est en général, c'est les filles de la région PACA qui nous appellent. Je suis un très bon sociologue. Hein. T'as remarqué. Donc Gilbert qui en ce moment donc est sûrement en vacances. Hein. Je crois qu'il est en vacances à la Cannes au Gabon. C'est quand même génial, Gilbert. C'est forcément le Gabon, c'est la deuxième destination touristique mondiale derrière Arras dans le Pas-de-Calais, tu vois. Donc, Gilbert, il va au Gabon en vacances, tu vois. C'est comme si toi tu bosses dans un garage Michelin et tu pars en vacances à Clermont-Ferrand, tu vois. Tu dis ouais, ça va me changer les idées. Tu vois. Complètement malade ce mec. Bon, c'est officiel. On se pose plus la question depuis longtemps. Polo qui a essayé de nous vendre que le meilleur gardien du monde c'était Neuer, alors qu'on sait tous Daniel que c'est Francesco Totti, hein, évidemment. Mais bon, quand les gens veulent pas avoir la réalité en face, qu'est-ce que tu peux rien faire ? Donne-moi trois gardiens meilleurs que Francesco Totti, t'en trouveras pas ! Et puis j'ai vu quand même que Polo, Fifi t'es là ? D'accord, ouais. Fifi nous a quittés. Non, je suis là. Ah, non, là. T'as vu quand même que Polo t'a proposé pour t'éclater de regarder des cassettes d'Emmanuel Neuer. Et toi, t'as dit d'accord. C'est quand même, vous avez quand même un sens de la déconne. Ouais, tiens, ça te dirait, tu viens chez moi, je te fais des cassettes d'Emmanuel Neuer. Mais, ouais, d'accord, bon. En plus, vous nous avez parlé de. Alors, on a eu entendu parler de Totti. La dernière fois, c'était Scholes, Giggs, Henry. J'ai l'impression qu'on écoute l'After ESPN classique. C'est un vrai bonheur. Tu te demandes pourquoi on s'emmerde. On regarde les vieux matchs parce que c'est les mêmes mecs, mais en meilleur. Donc, plutôt de regarder les matchs de maintenant. Et puis, tout à l'heure, il y avait le match Montpellier-Tours en fil rouge. Passionnant. Et on a appris un truc sur Florent Gautreau qui est extraordinaire. Est-ce qu'on peut écouter? Il aime bien se faire désirer. Voilà. Alors, qui est désiré? Alors, je sais pas de qui on parle. Désiré qui doit être un stadier, visiblement. Désiré Job. C'est Désiré Job. Ah, il aime bien se faire désirer. Faire des... Oh oui, oh là, j'avais pas compris. Non, mais moi, c'est une particularité de Florent Gautreau que je ne savais pas. Lui, il arrive au stade de la Vallée du Cher. Hop, je vais me faire désirer. Hop, derrière le stade. Tranquillou, personne n'a rien vu. On leur parlera demain. Il sera dans la foule. Oui, il sera ravi. Dacour. Monsieur, formidable monsieur. Oui, c'est monsieur Dacour, pardon. Parce que je dis mademoiselle, mais t'es marié. Donc, monsieur Dacour, qui nous a appris un truc sur Mapou. Parce qu'à un moment donné, Mapou a disparu, on sait pourquoi. Il est suspendu ce soir. T'es suspendu, Mapou, c'est ça, hein? Ouais, je crois qu'il est. Ouais. Là, il est blessé. Il a été mangé. Donc, il a été mangé. Il est pas allé manger, hein. Il a été mangé. Alors, la vraie question, il a été mangé par qui? Non, parce que t'aimes bien te foutre de la gueule des mecs qui parlent pas français, je te demande, Mapou, il a été mangé par qui? C'est non, tout. Non, c'est pas moi qui ai parlé, il a été mangé. Ah non, c'est pas toi. Ah non, c'est pas moi. Il y a Nicolas Cantelou. Regarde bien. Regarde l'audio. Écoute surtout. Regarde bien le son qui va te sortir. Vas-y. Le son. Regarde le son. Est-ce que tu peux nous remettre le son qu'on le regarde? Oui, j'ai peur que ce soit toi, tu devrais pas écouter. Est-ce qu'on peut le réécouter? Il est suspendu ce soir. T'es suspendu, Mapou, c'est ça, hein? Ouais, je crois qu'il est. Ouais. Là, il est blessé. Il a été mangé. Ah, y a un mec à ta voix, c'est ouf! Ah, c'est moi! Ah, il est génial ce mec! Et donc maintenant, si quelqu'un sait à retrouver des restes de Mapou, hein, qui a été mangé! D'accord. Ça, c'est salaud! Ouais, ah, parce que tout à l'heure, tu te marrais là! Tu te marrais sur Daniel! Et pour ça, je lui disais, lui, toi mon coco! Enfin bref, quoi. Non, mais ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas, je vais en faire une avant la fin. Hein. Et tu vas pas te priver! Non, je suis pas comme ça! Alors, on a appris qu'Antoine Camboire n'avait rien à envier à Ancelotti, c'est vrai. C'est franchement, moi, quand je vois, le mec, il a gagné 4 millions en 3 jours. Excuse-moi, il a fait ça, Ancelotti? Il est obligé de bosser au moins pendant 4 semaines pour gagner 4 millions. L'autre, il arrive, il se fait virer, paf! 4 millions, quoi. Non, je pense que le pauvre, il a dû comprendre avec Antonetti. Ah oui, avec Antonetti, là, il a rien à envier, mais avec Ancelotti, ça va être compliqué pour lui. Non, mais moi, je pense qu'il va rebondir. Je pense par contre qu'on dit qu'il va aller à Rennes, peut-être, c'est ça? Il y a plusieurs clubs. Moi, je pense qu'il ne pourra pas aller à Montpellier. En tout cas, c'est le seul club hippopotame parce que lui, il tape dans les poubelles. Et à Montpellier, les poubelles, c'est sacré, quoi. Loulou Nicolas, tu tapes pas dans les poubelles. Quoi. Tu fais ce que tu veux, tu fais n'importe quoi, t'insultes l'arbitre, mais tu tapes pas dans une poubelle, quoi. C'est la maison, quoi. Lui, Ndola, qui porte plainte pour harcèlement moral, vous avez vu, et qui a gagné. Alors, on se dit, mais comment ça se fait? Mais je vous rappelle quand même que le club le paye pour aller s'entraîner en CFA du Paris Saint-Germain. Alors, juste pour vous rappeler ce que c'est, la CFA du Paris Saint-Germain, leur meilleur joueur, c'est Jean-Christophe Baébec. Donc si tu veux, en termes d'humiliation, d'aller jouer avec ces mecs-là, il n'y a pas pire. T'imagines que le mec, il préfère ne pas gagner d'argent et être viré du club plutôt que d'être payé pour s'entraîner avec eux. Je pense que c'est vraiment la pire des humiliations, quoi. N'empêche que Amar, par exemple, tu vois, ça c'est l'humiliation terrible, quoi. C'est comme si à Marseille, tu vois, par exemple, Leonardo, quand il dit maintenant c'est fini les pizzas et ben t'arrêtes les pizzas à Marseille, c'est du harcèlement moral pour Gignac, quoi. Tu vois, t'as pas le droit, quoi. Il y a des trucs à pas faire. Faut respecter un petit peu les gens. Alors Canal perd les droits télé. J'ai vu que donc ils sont dégoûtés, quoi. En partie. Ouais, il leur reste plus que deux matchs. Attends, les pauvres, te rends compte, ils ont Lyon OM, PSG OM, PSG Lyon. Putain, ils ont plus Nancy Auxerre, Valenciennes Ajaccio, Evian Nice. Oh non, les mecs! Oh non, c'est dégueulasse! Ah, comment ils se sont fait bisuter à Al Jazeera, les blaireaux, ils sont arrivés. Les mecs, on leur a dit, hey, vous allez les niquer, prenez les 8 matchs là! Ah bon? Ouais, je te jure, c'est mortel! T'as pas vu Nice et Vian? Attends, on s'éclate! Ok, d'accord, ça marche. C'est comme si, t'imagines, t'es blindé de thunes et tu pourras. Qu'est-ce qu'il y a? Une Ferrari, une Porsche? Non, donne-moi les 8 Skoda là! Donne-moi! Prends les 8 Skoda! Je m'en fous, la Trabant! Et en même temps, on déconne, mais Gilbert Bribois, lui, il est capable, hein, parce que je vous rappelle qu'il a un Peugeot Partner en leasing, alors qu'il a largement les moyens de se payer une Audi A3. Je lui dirais. Non, mais lui, Gilbert Bribois, il les achète, les 8 Skoda. Rien à foutre des deux Porsche. Il saurait pas les conduire, de toute façon. Puis ça sert à rien, de toute façon. Hein, il me reste déjà qu'une minute. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, on va avoir la CAN. Alors, on est content parce que Roland Courbis va revenir très vite. Hein, ça fait quand même plaisir. Puisque le Gabon a battu le Niger. Donc, tu avais le Gabon contre les gars pas bons. Hein, donc, et les gars pas bons, normalement, ils vont revenir dans pas très longtemps. Et juste pour terminer, une petite phrase sur Brandao. Je voudrais quand même dire que j'ai été un peu déçu par l'attitude de Brandao. Parce que je sais pas si vous avez vu, quand il a marqué un but, il a fait un geste. Avec ses mains, il a dessiné une rondelle. Une rondelle. Alors, en ce moment. Vu l'affaire qui est en cours, cette espèce de sigle de rondelle envers le public, je trouve que c'est d'un mauvais goût. Non, mais vous pouvez trouver ça drôle. Moi, je trouve. Pour la personne concernée, c'est pas très malin. C'était un cœur. Ouais, c'est un truc. Sacrée taille en plus, la rondelle. Hein. Je sais pas qui rendait hommage, mais. Attends. Non, mais les mecs, j'essaye d'être sérieux deux minutes. Hein, et comme on dit, de toute façon, lui, les femmes, il a dit c'est terminé. Hein, il a compris. C'est comme on dit au Brésil sur ta femme, c'est comme un bracelet brésilien, c'est quand elle se casse que ton rêve se réalise. Et on termine là-dessus, Julien. On fait pas une chanson? On a le temps pour la chanson ou pas? Allez, très vite. Allez, attention. J'ai une grande. Alors, je voulais rendre hommage à un club qui cartonne en ce moment et qui était là ce soir avec une belle chanson. C'est parti. Un petit but à la Mosson. Il y a du jeu, il y a des dribbles, des occasions. Et Giroud avec ses frappes et ses petits ponts. Vive Michel Mézi et Nicolas, les gros patrons. Allez, viens prendre un petit but à la Mosson. Carton jaune, carton rouge et saucisson. Et Giroud, le Drogba blanc en pleine action. Vive le championnat et bientôt la Ligue des Champions. Et ici les petits merdes ont la vie dure. On sait comment Loulou traite les ordures. Mais quand il t'accueille sur sa belle pelouse, tu seras toujours le bienvenu, même si t'es une terlouse. Chez nous on a pas l'accent pointu, sauf les crampons qu'on vous met dans le cul. La parole verte à toute saison. Pas de langue de bois chez nous, on a la langue de Croustillon. Et viens, prends le petit but à la Mosson. Et y a du vent, des drites, des occasions. Merci, bonsoir.